Cette émission vous a été présentée par Le Cercle. Spectacle, arts visuels et numériques. Soirée dégustation, bar à vin, brunch, une cuisine du marché, servie le midi et tous les soirs jusqu'à minuit. Le Cercle, né pour l'art, le vin et la table. 228 rue Saint-Joseph, au centre-ville de Québec. Le-cercle.ca. Une ceinture attachée. Un cœur qui bat. Ta vie qui continue. En voiture, attache-toi. On est tous responsables de notre conduite. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Jacques Saloon et Tatouchak présentent Burlestacular Halloween. En cette soirée spéciale du 28 octobre, Burlestacular propose une soirée coquine d'effeuillage, de frayeur et de magie. Les effeuilleuses les plus piquantes de Québec vous en mettront plein la vue pour une soirée que vous ne risquez pas d'oublier. Une soirée haute en couleurs avec la participation de Manny Jr. and the Graveyard Rockers. Burlestacular fête l'Halloween. Des prix seront remis aux meilleurs costumes. Le vendredi 28 octobre, ouverture des portes à 20h, spectacle 21h à l'Impérial de Québec. Billets en vente au 418-523-3131 ou impérialdequebec.com. Rejoignez la page Facebook de Burlestacular Cabaret Burlesque. Vous cherchez un endroit accueillant avec une ambiance unique pour vos parties de fête? Le Quartier de Lune vous invite à réserver dès maintenant pour vos parties de bureau. Savourez notre délicieux buffet offert gratuitement et profitez de nos spéciaux sur les consommations. Nous vous présentons aussi des spectacles afin de vous faire vivre une soirée inoubliable. Réservez rapidement au 523-4011. Le Quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude. La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue. Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard. Ne manquez pas le 8e continent, le magazine de vulgarisation des enjeux environnementaux actuels animé par Sophie Houle-Drapeau et Jean-Pierre Guy. Au menu, problématiques et trucs pratico-pratiques. Le 8e continent, les jeudis 9h à CKRL. Nous sommes le 26 octobre 2011. Auditeurs de CKRL, bienvenue à La Fausse Patte. C'est notre 6e émission, tout le monde ensemble. C'est Christian Saint-Pierre, voilà, qui vous accueille sur les ondes. Catherine Dorion, bonjour. Bonjour Christian. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Je vais bien, merci beaucoup. Chers auditeurs, on a encore une semaine extrêmement chargée d'un point de vue politique et social. D'ailleurs, la grande nouvelle, c'est que Jean Charest a finalement plié à l'opinion publique et aux attaques incessantes de l'opposition. Et il y aura finalement une enquête publique sur l'industrie de la construction au Québec. Si la commissaire le demande. Si la commissaire le demande. Ouais, d'ailleurs, tout ça, c'est bien. Ça semble être une bonne nouvelle, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Faudrait creuser le sujet un peu. Faudrait creuser le sujet, et c'est pourquoi aujourd'hui, dans à peu près, je dirais, une dizaine de minutes, on aura avec nous M. Félix-Antoine Michaud, qui est membre du barreau du Québec, qui est avocat, mais qui est aussi un spécialiste en droit constitutionnel. Donc, il va nous expliquer c'est quoi ça, une commission d'enquête publique, et il nous fera sa propre analyse et nous donnera son opinion sur le sujet chaud de l'heure. Et aujourd'hui, encore une fois, très chargé comme émission. Deuxième sujet, on a un monsieur qui est parti, monsieur Serge Fortier, qui est membre d'une association du Bois-Saint-Laurent. En fait, c'est un peu les opposants tout à ce grand projet, voilà, qui serait l'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et lui, il est allé avec un autre groupe de personnes faire un voyage en Pennsylvanie où on exploite déjà les gaz de schiste, et il est allé constater un peu l'ampleur, j'oserais dire des dégâts peut-être, et il va nous en parler un peu plus de son expérience. Et Catherine, on s'entretient aussi avec monsieur Sébastien Ricard. Oui, on s'entretient avec Sébastien Ricard, le fameux batlam de Locolocas, qui va nous parler d'une marche pour l'indépendance samedi prochain, le 29 octobre. Fait que il va nous décrire un peu c'est quoi cette marche-là, pourquoi cette marche-là, à côté d'un mouvement de manifestation citoyenne qui est Occupons Montréal, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui manque d'espace même à Montréal pour s'établir. Et là, il va y avoir une marche, une autre marche citoyenne, une autre marche de revendication. Fait qu'il va venir nous expliquer un peu c'est quoi ça. Puis, donc voilà, c'est ça pour la dernière partie de l'émission, la dernière demi-heure de l'émission. Sébastien Ricard va être avec nous pour nous en parler. Également, mais toi, tu t'es penché un peu plus aussi sur ce fameux dossier des gaz de schiste. Oui, c'est ça. Donc, comme là, ça va être super intéressant. On va parler comme tu disais tantôt, Christian, à Serge Fortier du comité interrégional du gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. Ça, il va nous expliquer un peu c'est quoi, mais c'est une union de citoyens, en fait, qui ne font probablement pas confiance aux instances gouvernementales et privées pour leur expliquer comment les choses fonctionnent en rapport avec le gaz de schiste et qui décident d'aller faire eux-mêmes leurs enquêtes. Donc, ils vont nous parler de ça. Il est allé en Pennsylvanie voir qu'est-ce qui arrive quand l'industrie, finalement, se met en action, quand l'industrie arrive dans des zones agricoles où vivent des communautés, des familles, sur le bord de l'eau, un peu partout, et se met à forer pour le gaz de schiste. Qu'est-ce que ça a, en fait, sur le terrain, au niveau de la vie ordinaire des gens, comme conséquence? Fait que ça nous... Nous, on parle beaucoup, beaucoup du gaz de schiste ici. On entend beaucoup parler de gens qui, d'un côté, du côté des opposants, disent « Écoutez, on n'en sait pas assez. C'est pas assez clair. La communication avec le public est pas assez nette. On veut en savoir plus. Est-ce qu'on est en train de se faire avoir ou non? » Et bon, leur propension, ils pensent qu'ils sont en train de se faire avoir. Puis de l'autre côté, il y a l'industrie, puis il y a les ténors de l'industrie, puis il y a le lobby de l'industrie qui est présidé par Lucien Bouchard, comme on le sait. L'APGQ, l'Association pétrolière et gazière du Québec. Donc, qui eux disent, mais non, il y a eu une désinformation, les médias se sont pitchés là-dessus, ils ont dit n'importe quoi, c'est une grosse désinformation vulgaire, nous on veut parler de façon intelligente, pouvoir étayer nos arguments, et c'est pas vrai qu'on veut faire n'importe quoi. Donc, qui dit vrai là-dedans? C'est super difficile, c'est un dossier qui est encore très flou, malgré le temps que ça fait qu'on en entend parler, mais on a beaucoup de difficultés à toucher le fond du baril, des réalités là-dessus. C'est super difficile. Fait que surtout qu'on sait que là, il est en train de se passer. Lundi dernier, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui en ont entendu parler, il y en a peut-être même parmi vous qui ont été, mais il y a eu une manifestation devant le Hilton à Montréal où se tenait la conférence de l'APGQ, l'Association des producteurs, l'Association pétrolière et gazière du Québec. Donc, ce lobby des énergies fossiles. Il y avait 400 investisseurs intéressés qui voulaient venir entendre parler de forêt au Québec. Et pendant cette conférence, d'ailleurs, le président de Junex, une compagnie bien connue des énergies fossiles, a fait valoir une étude qui a été réalisée dans l'État de New York qui dit que, bon, l'exploration puis l'exploitation des gaz de schiste ne pose, évidemment, aucun problème pour l'environnement. En même temps, on vient d'apprendre que l'association, comment ça s'appelle, en tout cas l'équivalent du comité gouvernemental qui s'occupe de l'environnement aux États-Unis, ça s'appelle EPA. J'essaie de trouver ce que ça veut dire. Enfin, je vous reviendrai. Ah oui, l'Agence de protection de l'environnement, excusez-moi, EPA, donc aux États-Unis, vient de donner le feu vert à l'exploitation réglementée des gaz de schiste aux États-Unis. Au moment même où Robert F. Kennedy Jr., l'un des plus ardents défenseurs historiques de l'exploitation des gaz de schiste, vient de faire volte-face. Il dit que l'industrie jusqu'à maintenant aux États-Unis procédé de manière inacceptable sur le terrain, donc qu'ils ont, sont à la source de mensonges, d'omissions volontaires, et qu'elle a un trop grand contrôle sur le gouvernement des États-Unis, sur le gouvernement fédéral, et sur cette agence de protection de l'environnement, donc qui ne serait plus indépendante et qui serait soumise aux pressions de l'industrie. Oui, Catherine, on a un invité qui est en onde présentement. Ben, en fait, donc, on retourne à la commission d'enquête, si je comprends bien. Oui, on retourne à la commission d'enquête, mais en fait, je voudrais finir sur les gaz de schiste. Pendant que j'ai séjourné en Europe l'année dernière, l'Europe pratiquement complète s'est détournée de ce projet-là. Ouais. La France, le projet est mort dans l'œuf. En fait, l'UMP de Nicolas Sarkozy, au départ, était très intéressé à cette ressource. Et là, sous la pression, entre autres, de José Bové, le fameux militant écologiste français, qui s'est opposé à ça, ben le projet a été abandonné. Et même, il y a plusieurs pays qui auraient bien bénéficié d'une belle industrie comme ça, comme la Pologne, par exemple, qui a bien besoin d'exploitation de richesses naturelles, a dit non, ça ne fonctionnera pas. Oui, en disant que sur le papier, ça a l'air très cool, mais qu'en fait, on n'a pas assez d'informations pour être certain qu'il n'arrivera pas un truc comme il est arrivé dans le golfe du Mexique récemment. Voilà. Donc, Catherine, on est en onde en compagnie de M. Félix-Antoine Michaud. Félix-Antoine? Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Ça va très bien. Alors, Félix-Antoine Michaud, qui est membre du Barreau du Québec et surtout spécialiste en droit constitutionnel, c'est bien ça? Spécialiste, je termine une maîtrise en droit constitutionnel, puis je prends des dossiers en droit constitutionnel, en effet. Bon, voilà. Alors, Félix-Antoine, on fait appel à tes services cet après-midi pour nous expliquer. En fait, on a besoin d'explications, surtout techniques, en fait, une vulgarisation de ce qui se passe présentement avec cette commission d'enquête. Il y a eu pas mal d'étapes en très peu de temps la semaine dernière. Une première annonce qui a été décriée. Là, après ça, Jean-Charles a changé d'idée, Il y a même eu une entrevue, phénomène avec un événement avec Patrick Lagacé, entre autres, qui s'est coltaillé avec un ministre libéral sur le plateau de Tout le monde en parle le jeudi soir. Ministre qui défendait une position. Et quand l'émission Tout le monde en parle a été diffusée dimanche soir, la position du gouvernement Charest avait déjà changé lors du congrès. Donc, essayez de peut-être de nous tracer un petit historique rapide de tout ça et nous expliquer en quoi c'est un peu presque un burlesque présentement là, à quoi on assiste. Je pense qu'on peut enlever le presque. Je pense qu'on est en présence d'un burlesque. Bon, tout d'abord, la première annonce de Jean Charest. Jean Charest, suite à la pression populaire, au rapport du Chesneau, décide annonce qu'il se penche sur la question et qu'il va arriver avec une réponse pour trouver une solution sur la collusion et la corruption. Et c'est sa première annonce qu'il appelle une commission d'enquête. Or, cette commission que je vais mettre entre guillemets n'est pas assujettie à la loi sur les commissions d'enquête. Donc lors de sa première annonce, décret du Conseil des ministres, donc on annonce une commission d'enquête, mais en même temps on annonce que cette commission d'enquête-là ne sera pas sous l'égide d'une loi spécifique qui est prévue pour encadrer les commissions d'enquête. Donc là, dès le départ, ça sonnait plutôt faux et plutôt spécial aux oreilles des experts en matière de commissions d'enquête, aux juristes puis au monde politique, puisque comme une loi existe pour encadrer les commissions d'enquête, pourquoi ne pas assujettir ce que M. Charest appelait une commission d'enquête à la loi sur les commissions d'enquête. OK. Si je comprends bien, là, Félix-Antoine, dès le départ, c'est une commission d'enquête qui n'en est pas une. Parce que exactement. L'Assemblée nationale a ses règlements, sa recette, si on veut, d'une commission d'enquête. D'ailleurs, est-ce que c'est la même recette qui a eu lieu lors de la commission Clich, par exemple, dans les années... C'est la même recette qui a eu lieu pour Clich et plus récemment pour la commission Bastarache. Donc, okay. Qu'est-ce qui différencie principalement cette première proposition-là de Charest et ce qui est prévu dans la loi? Bon, il y a deux. Il y a un élément principal qui est la contraignabilité des témoins. C'est ce qu'on a entendu le plus souvent. Donc, la recette, comme vous dites, c'est ce qui permet aux juridiques de rester complètement indépendants. Donc, lorsqu'on sort de la loi sur la commission d'enquête, on dit il y a une loi sur la commission d'enquête, on nomme un commissaire, un mandat, et après ça, il y a une complète autonomie de la part du commissaire pour mener à terme l'enquête. Donc, il n'y a plus d'ingérence politique. Okay. Et ce commissaire-là a tous les pouvoirs d'un juge. Donc, il peut obliger des témoins à venir s'expliquer. Et il y a un processus quasi-judiciaire et judiciaire qui est entamé. Il peut aussi obliger certaines personnes à produire des documents. Est-ce que je me trompe? Exactement. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'en assujettissant pas ce que M. Charest appelle sa commission d'enquête, là, à la loi sur la commission d'enquête, la commissaire n'avait plus le pouvoir de contraindre des témoins à venir témoigner. Okay. Ce que ça signifie, c'est que si tu ne peux pas contraindre une personne à venir témoigner, c'est seulement les personnes qui auront le désir de venir parler qui pourront le faire. Okay, ça serait quoi leur avantage à le faire? C'est l'argument principal qui avait été déployé, c'est que qui aurait avantage à venir se dénoncer ou à venir dénoncer des amis s'il n'y a pas l'obligation de le faire? Il n'y avait rien de prévu pour leur, je sais pas moi, une immunité ou quelque chose pour en contrepartie de délation? Le gouvernement Charest défendait sa position en disant que lorsqu'on contrait des témoins, on a l'immunité. Donc, je vais vous expliquer là, rapidement ce que ça veut dire, et je suis persuadé que vous allez avoir déjà entendu certaines de ces phrases. Personne n'est obligé de témoigner contre lui-même. D'ailleurs, dans la plupart des films américains qu'on écoute, lorsqu'ils arrêtent la personne, ils lui disent « Vous avez le droit de garder le silence, mais si vous parlez, tout ce qui sera dit sera retenu contre vous. » Je suis persuadé que vous avez déjà entendu ce genre de phrase-là. Bien sûr. Absolument. Alors, c'est le même principe ici. On ne peut pas obliger une personne à venir parler contre elle-même. Lorsqu'on oblige les gens à venir témoigner, lorsqu'on contraint les gens à venir témoigner, en échange de l'obligation de les faire parler, on leur offre l'immunité. Totale. Totale pour le témoignage. Okay. Pour ce qu'ils vont dire au moment de la commission d'enquête. OK, c'est-à-dire que ce témoignage-là particulièrement, et non pas autre chose, ne pourra pas être retenu contre eux. Exactement. Okay. Donc, tout ce qui est... Tu obtiens l'immunité uniquement pour les mots que tu dis dans la commission. Si, par exemple... la police, par des processus d'enquête, réussisse à obtenir les mêmes informations d'une autre façon, cette information-là va être valable. Si la police avait déjà l'information et était seulement venue réitérer des propos qu'ils avaient déjà, ce sera recevable. Et si, en plus de ça, tu, par ton témoignage, incrimines ton ami, ton voisin, ton père, peu importe qui, ben ce témoignage-là sera valable et on pourra s'en servir pour incriminer les autres personnes. Okay. Le témoignage, tu as uniquement l'immunité pour le témoignage que tu as dit devant la commission. Okay. Donc, puisque le principe constitutionnel veut qu'on n'est pas obligé de témoigner contre soi-même. Donc, t'es beaucoup mieux en tant que si t'as mouillé dans quelque chose, t'es beaucoup mieux de présenter puis de témoigner, parce que si l'information est sortie et c'est pas toi qui l'a avoué, en fait, t'as pas avoué ta faute en quelque sorte, t'es bien plus dans le trouble que si toi-même t'es débarqué, t'as dit oui, c'est bon, je témoigne. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les phénomènes de délation quand on parle de crime organisé. Mais est-ce qu'ils sont vraiment mieux? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça leur donne, en fait, encore une fois, là? C'est qu'ils sont contraints, Devez venir témoigner, et la personne est obligée d'aller témoigner. Okay. Alors là, elle est obligée de répondre, et si elle refuse ou elle semble ignorer ce que la cour lui demande, elle peut être coupable d'outrage au tribunal. Donc l'outrage au tribunal, ça peut être une peine de prison ou une amende de 50 000 $. Donc là, on n'est plus dans un processus là de... Volontaire. Un processus judiciaire avec des conséquences réelles. Donc, beaucoup plus de pouvoir, et là, il y a des gens qui auraient pu se défiler facilement, n'auront peut-être plus le choix de venir témoigner, c'est bien ça? Ben exactement. La commission d'enquête, ce que ça a comme objectif, c'est de mettre au jour, de mettre en lumière un mécanisme, une problématique et de trouver des solutions. Donc, lorsqu'on contraint les gens, ben, en effet, peut-être que ça n'a pas le but de mettre des gens en prison. Alors, lorsque le gouvernement Charest disait, on aime mieux voir les gens en prison que les voir à la télévision, c'était un bel effet de cap, c'était habile comme phrase. Comme toujours. Mais le but d'une commission d'enquête, c'est pas de mettre des gens en prison. C'est de mettre la lumière sur un mécanisme, sur une problématique. Sur une problématique générale qui, entre guillemets, pourrit la société dans son entier. Okay. OK. Puis donc, si on continue l'historique... Alors là, suite à ça, le barreau du Québec, qui est l'ordre professionnel des avocats dont je fais partie, a fait une sortie en disant, ce n'est pas vrai que des commissions d'enquête permettre aux criminels d'être blanchis. Parce que le gouvernement Charest joue un peu sur les mots. En parlant d'immunité, il précisait pas que c'était l'immunité par rapport au témoignage. Ah. On parlait d'une vague immunité. Alors le barreau est venu spécifier que jamais une commission d'enquête n'a permis à des criminels d'être blanchis. Et en plus, on a sorti l'exemple de la commission Gomery, où 5 personnes dans la commission Gomery ont été reconnues coupables aux criminels et ont témoigné devant la commission Gomery. Donc face au témoignage et face au barreau qu'on ne peut pas taxer de partisans, le gouvernement Charest a décidé de reculer lors du discours d'ouverture du Congrès libéral. Donc, ce qui est plutôt cocasse, c'est que 15 minutes avant l'ouverture du Congrès, le ministre de la Justice était en point de presse, Jean-Marc Fournier, et défendant encore le fait qu'il ne fallait pas contraindre les témoins. 15 minutes plus tard, le chef du gouvernement... Ils ont changé d'idée. en plein discours, va dire le contraire. Donc là, c'est à se demander si M. Charest a fait exprès pour mettre dans cette position-là son ministre de la Justice. Là. Mais est-ce que ça prouve pas une désorganisation totale au niveau du gouvernement libéral, en fait, parce que l'événement avec Patrick Lagacé, ça mettait en vedette aussi le ministre de la Sécurité publique, si ma mémoire est bonne. Le ministre des Transports. Des Transports, pardon, M. Oui. Dutille. Donc, voilà, là, c'est comme un peu la cohue. Là, et là, au niveau de l'œil... OK, et maintenant, là, est-ce que la population québécoise a obtenu cette fameuse commission d'enquête qu'il réclamait tant dans les règles de l'art, comme ça doit se faire? Est-ce qu'on en est là présentement? Moi, je dirais oui et non. Donc, non, pourquoi? Parce que, encore une fois, la commission qui a été faite n'est pas assujettie à la loi sur les commissions d'enquête. Pas encore, en fait. Pas encore. Ce que M. Charest a dit, c'est que la commissaire Charbonneau, que tout le monde reconnaît sa grande expertise, peut lui demander le pouvoir de contrainte et pourrait même lui demander d'assujettir la commission à la loi sur la commission d'enquête. Ce qui est un peu spécial là-dedans, c'est qu'on demande un peu au juge d'y aller d'une opportunité politique, c'est-à-dire que ce sera elle de décider si elle veut et quand qu'elle veut contraindre des témoins. Donc, elle quitte un peu le terrain de la pure neutralité pour s'immiscer un peu dans la politique, ce que je trouve un peu déplorable. Donc, oui, il pourra y avoir contrainte qui ressemble à une commission d'enquête. Si elle le demande. Si elle le demande. Et la commission n'est pas encore assujettie à la loi sur les commissions d'enquête. Donc, je pense que le plus sage là-dedans, ce serait que le gouvernement Charest assujettisse la commission à la loi sur les commissions d'enquête pour permettre à la juge de réellement faire son travail d'enquête et de ne pas être placée dans une position politique où elle aura décidé quand va être le bon moment pour contraindre des témoins. Bon. Et pourquoi, selon vous, elle ne le fait pas? Oui, c'est ça. Il ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne l'assujettit pas simplement là, à la loi? Et j'ai une sous-question là-dessus, si vous permettez, Félix-Antoine. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de penser, après tout ce temps où Charest tout le temps que Charest a mis et a pris pour faire cette commission d'enquête-là, il n'y aurait pas lieu de soupçonner qu'il y aurait, je ne sais pas, collusion à nouveau entre la commissaire à ce moment-là et le premier ministre? Il y aurait trouvé on peut-il aller jusque-là? Non, pas entre la commissaire. La commissaire a une grande intégrité, puis elle est reconnue par ses pairs, puis par tout le monde. Je ne la connais pas personnellement, mais par tout le monde comme une femme d'une grande intégrité, d'un grand professionnaliste. Donc, là-dessus, je ne crois vraiment pas. Pourquoi le premier ministre refuse de contraindre des témoins depuis 2 ans et demi qui tient un discours où il dit qu'il faut mettre les criminels en prison et pas à la télévision? Alors je crois qu'il tente de faire un long demi-tour pour arriver à la position que tout le monde réclame, mais comme il veut pas perdre, si vous me permettez l'expression, perdre la face, ben au lieu de rapidement décider d'avoir fait une commission d'enquête telle que la loi le prévoit, ben il va petit pas par petit pas pour finalement se rendre après la prochaine élection? Non, mais moi, je crois que la juge va probablement demander de contraindre des témoins. Il va peut-être lui demander d'assujettir la loi, son décret à la loi sur la commission d'enquête. Et que finalement, cette commission d'enquête-là va devenir une vraie commission d'enquête, mais que ça leur a pris plusieurs étapes pour y arriver. Comme ça, le gouvernement n'a pas l'air d'avoir fait un volte-face total sur la question. Donc, Jean Charest gagne du temps présentement. Ah oui. Ben oui, parce que lui, l'impression que j'ai, c'est que le premier ministre veut pas être pris avec ça pendant qu'il gouverne. Comme ça, l'enquête, c'est long. Ça demande de la préparation. Il y a toujours une partie à huis clos au début. C'était comme ça dans Gomery aussi. Donc, où on fait une pré-enquête, où on fouille sa preuve, où on prépare sa stratégie. Donc, c'est quand même assez long, ce bout-là. Donc, plus le monsieur Charest prend son temps, moins il est achalé avec ça. Et avec les chantiers électoraux qui s'en viennent, probablement qu'il va tomber en élection avant même qu'un témoin soit entendu. Là. OK. Puis, est-ce qu'on se demande souvent, les gens se demandent un peu partout, je sais pas si selon vous, c'est avec raison ou non, si ça leur permettrait pas tout ce temps gagné là à, si jamais il y a des membres du gouvernement du Parti libéral du Québec, mettons, qui sont très impliqués dans la collusion et ou la corruption dont on entend beaucoup parler, est-ce que ça pourrait aussi leur permettre de dissimuler des preuves ou est-ce que ça serait quelque chose qui serait, je dis pas, en tout cas qui serait plausible, mettons, ou possible? Disons que depuis le temps que c'est demandé, s'il y a des gens qui avaient de quoi cacher, je pense que depuis 2 ans et demi que la population demande une commission d'enquête, s'il y a des gens qui avaient de quoi cacher, je pense qu'ils ont eu amplement le temps pour cacher la preuve et les éléments qui pourraient les incriminer. OK. Félix-Antoine, est-ce que selon... je te connais un petit peu aussi, si tu fais du droit constitutionnel, tu es aussi très à l'affût de ce qui est politique. Maintenant, peut-être une analyse un petit peu plus politique. Est-ce que tu crois, selon toi, que Jean Charest prépare sa sortie? Une excellente question. Je l'aurais cru il y a quelques mois, mais il semble vraiment décidé à vouloir poursuivre. Ah oui? Il semble vraiment décidé à vouloir poursuivre. J'ai quelques amis libéraux qui me disent que M. Charest aime l'adversité, aime être pris pour perdant, aime la Cinderella story, là, partir négligé et l'emporter. Donc, je pense que ça peut le motiver. Je pense que s'il y avait à partir, il devrait partir rapidement parce que l'échéancier s'en vient assez vite. Là. Mmh. Et il n'y a pas non plus de poulain naturel au Parti libéral pour le remplacer en ce moment. D'accord. Il n'y a pas non plus. D'accord. Il n'y a personne d'automatique. Donc, quand le temps presse, ça va bien quand tu as un poulain naturel, mais quand quand tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu aies quelqu'un de rapide pour remplacer ton chef, sinon tu t'enlaces dans une course à la chefferie qui peut te coûter beaucoup. Oui, puis pour l'instant, il maîtrise tellement bien, avec tellement d'adresse, cet art de la démagogie que peut-être s'il réussit à, malgré tout ça, malgré tout ce qui est arrivé, à remonter la pente, ça pourrait être pour lui une espèce de défi personnel. Exactement, je pense que c'est ce qui le motive encore plus, là, c'est cette idée d'être capable de surmonter l'insurmontable. Mais le barreau, quand vous avez réagi à son annonce d'une fausse commission d'enquête, là, est-ce que vous avez un peu dit, bon, j'imagine pas dans ces mots-là, mais que ce qu'il faisait, c'est de la démagogie en disant... Écoutez, barreau, moi, je suis membre du barreau, mais je suis pas le barreau. Là. Tous les avocats, on est membres du barreau, mais j'ai pas participé à la position qu'a écrit le barreau. Ça, c'est des représentants de notre ordre professionnel qui ont fait ça. OK, mais dans ce qu'ils ont produit, est-ce qu'ils ont produit un manifeste? Ils ont écrit un avis. Un avis, OK. Dans cet avis-là, ils disent simplement que c'est pas vrai que les... Ils remettent, en fait, en cause ce que Jean Charest disait sur l'immunité. Mais parce que M. Charest jouait sur un double discours. En parlant d'immunité, c'est vrai qu'il y a une immunité, mais c'est pas la personne qui a l'immunité, mais c'est son message. C'est, ouais, donc, c'est... En laissant l'ambiguïté... ça laissait la population là, dans un flou important. Puis je peux comprendre la population de se dire on veut pas blanchir des criminels, on veut pas leur donner l'immunité. Alors c'est ce flou-là que le barreau est venu clarifier en disant non, il n'y a personne qui a l'immunité. Tu as seulement l'immunité pour le message que tu as dit. Puis est-ce que le gouvernement ou est-ce que les libéraux se sont un peu repris là-dessus ou ils n'ont juste pas voulu reparler de ce sujet-là? C'est ça, suite à ça, ben, ils en ont pas reparlé. Puis il y a M. Charest qui, lors du congrès du Parti libéral, dit qu'il laisserait la juge Charbonneau décider si elle veut contraindre des témoins, mais ils ne sont pas revenus par rapport à ça. Oui. Et lorsqu'ils se faisaient poser des questions, leur seule réponse était que c'est une mesure de plus, puis il faut faire confiance à la juge Charbonneau, mais ils n'ont jamais admis qu'il avait laissé un flou volontaire, flou artistique. Très probablement. Un flou artistique volontaire. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Félix-Antoine, on serait rendu à prendre une pause ici à CKRL. Est-ce que c'est possible pour toi de rester un petit peu plus longtemps en onde? Parce que j'aurais des questions à te poser sur la suite des choses. Est-ce que c'est possible pour toi de continuer à collaborer? Oui, pas de problème. Alors parfait. Nous, Catherine, on va y aller avec une pause. Chers auditeurs de CKRL, vous êtes sur la fausse patte. On parle avec Félix-Antoine Michaud, qui est membre du Barreau du Québec et qui est en train de terminer une maîtrise en droit constitutionnel. Et on parle de la crise sur la commission d'enquête plutôt sur la construction que Jean Charest vient de lancer. Et puis, on va faire un petit bloc musical pour commencer. Je me fais un petit cadeau, Catherine et Félix-Antoine. On tourne dans les années 80 et ça tombe bien, je trouve. C'est une chanson à propos. Ça s'appelle Les Tsars. C'est Indochine qui nous envoie ça. Ah. Génial. C'est KRL. C'est parti.